par Madame la Comtesse de Ségur. Quel amour d'enfant. Ouvrage illustré par E. Bayard. Paris, Librairie Hachette. Édition Gallica, BNF. À mon petit-fils, Louis de Ségur, Lamoignon. Cher enfant, tu es fort et généreux comme un lion, doux comme un agneau et sage comme un ange. En lisant l'histoire de Gisèle, tu te garderas bien de l'imiter. Au lieu d'être un agneau, elle est loup. Au lieu d'être un ange, elle est diable. Je ne crains donc pas que tu souffres de la comparaison avec cette méchante petite fille. Il faut en remercier ton papa et ta maman qui t'élèvent si bien qu'on ne te voit pas de défauts et que tes bonnes qualités ressortent dans toute leur beauté. C'est ainsi que te juge ma vive tendresse, ta grand-mère qui t'aime, Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur. Quel amour d'enfant ! Chapitre 1. Gisèle est un ange. Monsieur, Madame de Néry et leurs enfants étaient de retour à Paris depuis quelques jours. Blanche et Laurence de Néry, âgées l'une de 18 ans, l'autre de 16, avaient continué à demeurer avec leurs frères et leurs belles-sœurs. 4 ans auparavant, après la mort de leur mère, elles avaient demeuré chez leur sœur aînée, Léontine de Gerville, âgée alors de 23 ans. Mais le caractère intolérable de leur nièce Gisèle, qui avait alors près de 6 ans, et la faiblesse excessive de Léontine et de son mari pour cette fille unique, avaient forcé Pierre de Néry à retirer ses sœurs de l'odieux esclavage dont elles souffraient. Ils avaient été passer un hiver à Rome. Monsieur de Néry retrouva à Paris sa sœur Léontine, qu'il aimait tendrement et qu'il voyait presque tous les jours. Un matin que Gisèle avait fait une scène de colère en présence de son oncle et que Léontine cherchait à persuader son frère de la sagesse et de la douceur de Gisèle, Pierre ne put s'empêcher de lui dire « Je t'assure, Léontine, que tu es encore bien aveugle sur les défauts de Gisèle. Elle est franchement insupportable. » Léontine : « Oh, Pierre, comment peux-tu avoir une pensée aussi fausse ? Tout le monde la trouve changée et charmante. » Pierre : « Je veux bien croire qu'on te le dise, mais ce que je ne puis croire, c'est qu'on te parle franchement. » Léontine : « Si tu savais comme je suis devenue sévère, je la gronde, je la punis même toutes les fois qu'elle le mérite. » Pierre, souriant : « Très bien, mais elle ne le mérite jamais. » Léontine : « Ceci est vrai, elle est devenue douce, obéissante, tout à fait gentille, mais tu es si sévère pour les enfants que tu ne supportes ni leur bruit, ni leurs petits défauts. » Pierre : En effet, je ne supporte pas leurs cris de rage ni leur méchanceté. Mais quant à leurs jeux, leurs cris de joie, leurs petites discussions, non seulement je les supporte, mais je les aime et j'y prends part. Au reste, tant mieux pour elles et pour toi si je me trompe. J'ai promis à mes enfants de leur acheter des fleurs pour des bouquets qu'ils veulent donner à Noémie le jour de sa fête. Il est un peu tard et je m'en vais. Au revoir, ma sœur. Léontine embrassa son frère, quoiqu'elle fût contrariée de son jugement sur sa charmante fille, et revint s'asseoir dans son fauteuil. Elle réfléchit quelques instants. Petit à petit, son visage s'assombrit. « C'est triste, pensa-t-elle, de voir toute ma famille tomber sur ma pauvre petite Gisèle. Parce que mon mari et moi, nous l'avons peut-être un peu gâtée dans sa petite enfance, on se figure qu'elle doit être insupportable. Pauvre ange, elle est si gentille !» Pendant que Madame de Gerville s'extasiait sur la gentillesse de sa fille, Pierre de Néry rentrait chez lui avec un bouquet de fleurs qu'il alla faire voir à sa femme. « Vois, Noémie, les jolies fleurs que j'apporte aux enfants. Ils auront de quoi faire une 30 de bouquets pour le moins. » Noémie : « Elles sont charmantes, trop jolies pour les leur livrer. Les camélias sont ravissants. Donne-les-moi, mon ami. C'est vraiment dommage de les faire abîmer par des enfants si jeunes. » Pierre : « Je n'ai rien à te refuser, ma bonne Noémie. Prends les camélias et laisse-leur les lilas, les muguets et les giroflées. » « Merci, mon ami. » Et Noémie s'empressa d'enlever les camélias et une belle branche de lilas blanc. Pierre : « Assez, assez, Noémie. Les enfants n'auront plus rien si tu continues. » Pierre emporta son bouquet. Quand il entra chez ses enfants, ils coururent à lui. « Georges : « Papa, papa, nous attendons les fleurs. En avez-vous trouvé ? » Monsieur de Néry : « Je crois bien, et de très jolies. Tenez, mes enfants, tenez, voici de quoi faire une quantité de bouquets. » Pierre posa sur une table les fleurs qu'il avait tenues cachées derrière son dos. Georges et Isabelle poussèrent un cri de joie. « Quelle belle fleur ! Merci, papa, vous êtes bien bon !» Ils embrassèrent leur père, qui les laissa faire leurs bouquets, et alla rejoindre leur mère. Georges et Isabelle commencèrent à étaler les fleurs sur la table. Isabelle, qui avait 3 ans, prenait et rejetait les giroflées. Elle en faisait tomber quelques-unes par terre. Georges : « Prends garde, Isabelle, tu fais tout tomber. » Isabelle : « Non, pas tout, seulement un peu. » Georges : « Mais tu les casses. Regarde, cette belle-là, elle est toute abîmée. » Isabelle : « Ça fait rien, ça fait rien. » Georges : « Si, ça fait beaucoup. C'est pour maman. » Isabelle : « Et moi, j'en veux aussi, moi. » Georges : « Tu auras les petites qui sont maigres. » Isabelle : « Non, je veux les grasses. » Georges : « Les grasses sont pour maman. » Isabelle : « J'en veux, je te dis. » Georges : « Et moi, je te dis, je ne veux pas. Je suis le plus grand. J'ai 4 ans et demi. » Isabelle regarda Georges d'un air malin, saisit une poignée de muguet et s'enfuit du côté de sa bonne. Georges courut après elle pour lui arracher les fleurs. Isabelle, se voyant prise, les cacha dans les plis de sa robe en criant « Au secours, ma bonne, au secours !» La bonne savonnait dans un cabinet à côté. Elle accourut au cri d'Isabelle et la trouvant luttant de toutes ses forces contre son frère qui, sans lui faire de mal, la secouait, la culbutait en cherchant à ravoir le muguet. Isabelle le défendait en tenant sa robe à 2 mains. La bonne : « Qu'y a-t-il donc ? Georges, pourquoi bousculez-vous votre sœur ? Et vous, Isabelle, qu'est-ce que vous tenez si serré dans vos mains ? » Georges, pleurant à demi : « Elle prend les fleurs de maman, elle les abîme. Elle ne veut pas me les rendre. » Isabelle, pleurant à moitié : « Il veut prendre tout, il me donne les maigres. » La bonne : « Laissez votre sœur, mon petit Georges, et vous, Isabelle, soyez sage. Rendez au pauvre Georges les fleurs que vous chiffonnez et que vous cassez en les serrant si fort. Pensez donc que c'est pour votre maman que Georges soigne ses fleurs. Vous lui faites de la peine en les abîmant. » Georges lâcha Isabelle, et Isabelle laissa tomber les fleurs, fanées, écrasées, à ne pouvoir servir. Quand Georges vit l'état dans lequel les avait mis sa sœur, il fondit en larmes. Isabelle, voyant pleurer son frère, se mit à sangloter de son côté. Elle se jeta au cou de Georges, lui demanda pardon, lui dit qu'elle ne le ferait plus. Georges, qui était très bon, l'embrassa, essuya ses yeux et retourna à ses fleurs. Isabelle le suivit, mais elle ne toucha à rien et mit ses mains derrière son dos. « Isabelle, vois-tu, Georges, comme ça je ne toucherai pas, je n'ai plus de mains. » Georges : « À la bonne heure, reste comme ça et ne bouge pas. » Georges commença à mettre ensemble les plus belles fleurs. Isabelle les lui désignait avec son menton, gardant fidèlement ses mains derrière son dos. Ils avaient presque fini quand la porte s'ouvrit et leur cousine Gisèle entra. Gisèle : « Vous voilà ici, je croyais que vous étiez partie pour vous promener. » Georges : « Non, nous faisons des bouquets pour maman, c'est demain sa fête. » Gisèle : « Et toi, qu'est-ce que ma tante te donnera ? » Georges : « À moi, rien du tout, ce n'est pas ma fête. » Gisèle : « C'est drôle, ça. Papa et maman me font toujours des présents le jour de leur fête. Voyons tes fleurs, elles sont très jolies, et comme elles sentent bon, où les as-tu cueillies ? » Georges : « C'est papa qui nous les a apportées. » Gisèle : « Aimes-tu ton papa ? » Georges : « Beaucoup, il est si bon. » Gisèle : « Pas pour moi, toujours, il me gronde, continuellement. » Georges : « Parce que tu es méchante. Papa ne nous gronde jamais, Isabelle et moi. » Gisèle : « Qui est-ce qui t'a dit que j'étais méchante ? » Georges : « C'est personne, je le vois bien. » Gisèle : « Petite bête, va, tu seras comme ton papa, qui trouve tout le monde méchant. » Georges : « Non, pas tout le monde. Il trouve maman très bonne, il trouve ma tante Laurence et ma tante Blanche très bonnes, il me trouve très bon, il trouve Isabelle très bonne. » Gisèle : « Et pourquoi me trouve-t-il méchante ? » Georges : « Je ne sais pas. Demande-lui. » Laurence entra au moment où Gisèle allait répondre. Georges et Isabelle coururent au-devant d'elle et l'embrassèrent à plusieurs reprises. Gisèle fit un pas, puis s'arrêta. « Bonjour, ma tante, » dit-elle sèchement. « Bonjour, Gisèle. » Laurence voulut l'embrasser, mais Gisèle la repoussa. « Toujours aimable, » dit Laurence en riant. Laurence : « Tu fais des bouquets avec Georges et Isabelle ? » Gisèle d'un air grognon : « Non, je regarde. » Laurence : « Je vais les aider, ces pauvres petits. Voyons, mon petit Georget, choisis-moi les plus belles fleurs. Et toi, mon petit Isabeau, va me chercher du fil chez ta bonne. Je vous ferai 2 beaux bouquets que vous donnerez demain à votre maman. » Gisèle : « Et moi, qu'est-ce que je ferai ? » Laurence, riant : « Toi, tu feras ce que tu faisais quand je suis entrée. Tu regarderas. » Gisèle, avec humeur : « Tu crois donc que ça m'amuse de regarder faire des bouquets ? Laurence. Si cela t'ennuie, fais autre chose. Gisèle, avec humeur. Et que veux-tu que je fasse ? Laurence. Je n'en sais rien. Fais ce que tu voudras. Tu n'es pas facile à contenter. Gisèle, avec humeur. Je vois bien que c'est toi qui dis à tout le monde que je suis méchante. Je le dirai à maman et à papa. Ils seront très fâchés contre toi. Tu verras cela. Laurence. Dis ce que tu voudras, ma pauvre fille. Quand j'avais 13 ans et que je demeurais avec toi chez ta mère, après la mort de ma pauvre chère maman, j'avais peur de tes méchancetés, parce que ton père et ta mère nous grondaient et nous rendaient malheureuses, Blanche et moi. Mais à présent que nous demeurons chez mon frère et mon excellente belle-sœur, je ne m'effraie plus de ce que tu peux dire, et je te plains d'être aussi méchante à 10 ans que tu l'étais à 6. Gisèle, ce n'est pas vrai. Maman dit que je suis devenue très bonne. Laurence, ta pauvre maman t'aime tellement qu'elle te croit bonne. Demande à ton oncle Pierre s'il pense comme elle. Gisèle, avec colère. Mon oncle Pierre est méchant lui-même. Il veut qu'on n'aime que ses enfants, et alors il tâche de me faire du mal. Laurence, vivement. Mauvaise petite fille, tais-toi, ou va-t'en. Gisèle. Je ne m'en irai pas, et je ne me tairai pas, et je dis que mon oncle Pierre et ma tante Noémie sont très méchants, et que je les déteste. Georges. Je ne veux pas que tu dises que papa et maman sont méchants. Entends-tu, méchante? Isabelle. Moi, veux pas non plus, méchante. Laurence pose ses fleurs sur la table et veut faire sortir Gisèle qui se débat, qui s'échappe et qui court à la table. Avant que Laurence ait pu l'en empêcher, elle saisit les fleurs, les écrase dans ses mains, les jette par terre, les piétine et chante d'un air moqueur et triomphant « La bonne aventure, au guet, la bonne aventure !» Georges et Isabelle restent immobiles et consternés. Laurence appelle la bonne. « Annette, voulez-vous aller chercher mon frère tout de suite et enfermez-nous à double tour pour que Gisèle ne s'échappe pas ?» La bonne obéit avec empressement. Gisèle comprit le danger qu'elle courait et chercha inutilement un moyen d'y échapper. Elle n'eut pas le temps de réfléchir longtemps. La bonne ramena M. de Néry presque immédiatement. « M. de Néry, qu'y a-t-il donc, Laurence ? Pourquoi m'en vois-tu chercher ? Pourquoi les enfants en pleurent-ils ? » Laurence, à cause d'une nouvelle méchanceté de Gisèle. Laurence raconta à Pierre ce qui venait de se passer. « Je t'ai fait appeler parce que je ne peux pas en venir à bout et qu'elle ne veut pas sortir d'ici. » M. de Néry. « Gisèle, si tu étais ma fille, je te punirais de manière à t'empêcher de recommencer. Mais puisque tu n'es, grâce à Dieu, que ma nièce, je me bornerai à t'emmener chez moi, où tu resteras tout le temps que tu devais passer ici. » Gisèle, tapant du pied. « Je ne veux pas aller chez vous. Vous me battriez. Je veux m'en aller. » Pierre se retournant vers la bonne. « Combien de temps Gisèle devait-elle rester ici ?» La bonne. « Je crois que c'est 1 heure et demie, monsieur. Sa bonne est chez la femme de chambre de madame. Monsieur veut-il que je l'appelle ?» Monsieur de Néry. « Merci, Annette, c'est inutile. Vous lui direz seulement que lorsqu'il sera temps de partir, elle vienne chercher Gisèle dans mon cabinet de travail. » Et, s'approchant de sa nièce, « Voyons, marche devant moi, Gisèle. » Gisèle, pleurant. « Je ne veux pas aller chez vous. Je ne veux pas vous voir. » Monsieur de Néry ne dit rien. Mais s'approchant de Gisèle, il lui saisit les mains, malgré ses cris et ses efforts, il prit ses 2 poignets avec 1 de ses mains et se dirigea vers la porte, traînant Gisèle après lui. Il arriva ainsi jusqu'à son cabinet de travail, décrocha une courroie qui retenait ses fusils, enleva Gisèle, la plaça dans un fauteuil et l'y attacha avec sa courroie, mais sans lui faire de mal. « Maintenant, dit-il, crie, gigote, hurle, je ne m'inquiète plus de toi. Tu en as pour 1 heure environ. Réfléchis et tâche de comprendre combien ta méchanceté te profite peu. Combien tu offenses le bon Dieu qui t'a donné tant de choses que les autres n'ont pas. Combien tu te rends malheureuse toi-même et combien tu te fais détester par tout le monde. » Pierre se remit à son bureau et continua son travail interrompu. Gisèle eut beau crier, appeler, se démener, il ne leva seulement pas les yeux de dessus son papier. Au bout 1 heure, sa bonne vint la chercher. Elle semblait consternée. Pierre délia Gisèle et la laissa partir sans la regarder. Gisèle lui lança un regard furieux et se dépêcha de retourner à la maison où elle raconta ses aventures à sa façon.